إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous en sommes au quatrième cours de l'explication de six passages de la biographie prophétique. Nous allons tout d'abord lire le passage en arabe, puis en expliquer ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite. Nous en sommes au troisième passage des six passages. Al-mawdi'u thalith, qissatu qira'atihi sallallahu alayhi wa sallam surat al-najmi bihadratihim. Falamma balagha afara'aytum al-lat wal-uzza. ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ففرحوا بذلك فرحا شديدا وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد ونحن نعرف أن الله سبحانه هو النافع الضار وحده لا شريك له ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه فشاع الخبر أنهم صافوه وسمع بذلك من في الحبشة ففرحوا فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى أشر ما كانوا عليه ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا شديدا عظيما حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فمن فهم هذه القصة ثم شك في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق العلا أنها الملائكة. Le troisième passage des six passages que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a voulu citer de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces six passages qui mettent l'accent sur le tawhid. Donc ce troisième événement et passage, c'est l'histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita la surat al-Najm en présence des polythéistes. Arrivé à la parole, afara'aytum al-lat wal-uzza, avez-vous vu al-lat et al-uzza? Satan introduisit dans sa récitation tels sont les grands gharaniq dont l'intercession est à espérer. Ils pensèrent alors à leur grande joie que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait vraiment dit. Ils s'exclamèrent que c'était exactement ce que nous voulions. Nous avons conscience, prétendaient-ils, qu'Allah seul détient le pouvoir de faire le bien et le mal, sans avoir aucun associé dans ce domaine. Mais nous passons par nos idoles afin qu'elles intercèdent en notre faveur auprès de lui. Puis, arrivé au verset de la prosternation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterna et les païens se prosternèrent avec lui. La nouvelle courut alors que les polythéistes s'étaient réconciliés avec lui. Celui-ci parvint aux oreilles des musulmans émigrés en Abyssinie qui prirent aussitôt le chemin du retour vers la Mecque. Entre-temps, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contesta la parole qui lui fut insufflée dans sa récitation, ce qui irrita les païens qui redoublèrent d'animosité. Lorsqu'ils insistèrent et lui dirent qu'il avait bien prononcé ces paroles, il fut envahi par la peur de son Seigneur qui lui révéla à cette occasion « Il n'y a pas eu de prophète avant toi ni de messager sans que Satan n'insuffle des paroles dans sa lecture. » Sourat al-Hajj, verset 52. Celui qui comprend bien cette histoire et qui doute ensuite de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans faire la différence entre la sienne et celle des polythéistes païens aura vraiment été éloigné par le Seigneur, surtout si l'on sait que tels sont les Gharaniq, fait allusion aux anges. Donc voilà la traduction approximative du passage écrit par Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Le premier point sur lequel nous allons nous arrêter, c'est cette histoire rapportée dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette histoire, elle est rapportée de plusieurs versions. Certaines sont affiliées au prophète sallallahu alayhi wa sallam et certaines jusqu'au tabi'in. Mais les savants spécialistes du hadith, comme Ibn Kathir et Ibn al-Arabi al-Maliki, de même que al-Bayhaqi, al-Shawkani et al-Albani, rahimahumullahu jami'a, ont jugé que cette histoire était fausse et qu'elle était critiquable, que sa chaîne de transmission n'est pas authentique et que même le texte est à revoir. En effet, il y a plusieurs preuves du Coran qui rejettent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse se tromper dans la récitation. Et nous allons voir plus tard en expliquant qu'en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas récité cela. Mais c'est Shaytan qui a fait entendre cela dans les oreilles des mushrikines. Et ceci, on va le comprendre très clairement quand on va arriver au passage de l'explication du verset de Surat al-Hajj. En effet, les savants ont rejeté ce hadith à cause de la faiblesse de chaîne de transmission et à cause aussi du texte qui est contradictoire au Coran, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam inventait des paroles sur Allah, Allah tabaraka wa ta'ala le prendrait par sa droite et lui romprait la veine jugulaire. Et Allah ta'ala dit « Wa ma yantiqu 'anil hawa » Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit « وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا » Dans le sens, si on ne t'avait pas raffermi, tu aurais penché vers eux un temps soit peu. Donc, si Allah tabaraka wa ta'ala a renié le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse ne serait-ce que pencher dans ce qu'il récite du Coran ou dans ce qu'il révèle de la part d'Allah vers les mushrikines, vers les associateurs, comment alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu réciter des paroles qui sont contradictoires au Coran et qui ne sont pas les paroles d'Allah tabaraka? Voilà pourquoi plusieurs spécialistes du hadith ont rejeté l'authenticité de cette histoire, mais ils l'ont plutôt expliquée d'une manière acceptable, en expliquant le verset de Surat al-Hajj, comme on va le voir dans notre explication, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc cette histoire, elle est connue dans la Sira par l'histoire des Gharaniq. Ils visent par le Gharaniq les anges. Donc comme ils adoraient les anges, ils demandaient l'intercession aux anges en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, entre autres, et à d'autres aussi, tout type de créatures inertes ou non inertes à qui ils demandaient l'intercession. Donc comme le raconte le Cheikh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita la sourate al-Najm en présence des musulmans mais aussi en présence des polythéistes. Quand il arriva au passage, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى Avez-vous vu اللات et العزَّى et منات, la troisième, cette dernière, النجم, 19 et 20. Et ces trois idoles qui sont citées dans ce verset étaient les plus prestigieuses idoles de la péninsule arabique. اللات se trouvait à Taif. Il s'agissait d'un homme vertueux qui donnait à manger aux pèlerins de passage à la Mecque. Après sa mort, sa tombe servit de lieu de culte et était convoitée pour la bénédiction, la baraka, à la manière de ceux qui cherchent la baraka des gens pieux. Ainsi donc agissaient les polythéistes de l'ère préislamique. Ils lui demandaient d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah, étant donné qu'il eut une vie pieuse. Al-Uzza était l'une des idoles des Mekwa, située près de Arafat. C'était un édifice perché sur plusieurs arbres et convoité pour la baraka. Quant à Al-Manat, c'était une idole qui se trouvait entre Mekka et Al-Madina, plus proche de Al-Madina. Elle appartenait aux tribus de Aws et de Khazraj. En guise de vénération, elle servait de lieu de sacralisation pour le pèlerinage. Allah tabaraka wa ta'ala révéla donc « أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى » C'est-à-dire « Informez-moi au sujet de ces idoles. Est-ce qu'elles sont en mesure de vous être utiles ou de vous causer du tort ? Elles n'ont déjà pas pu se protéger elles-mêmes. » Le jour où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les fit détruire à la conquête de la Mecque. Si elles avaient réellement été des dieux, elles se seraient défendues. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a réprimandé les polythéistes qui étaient attachés à ces idoles, ne détenant le pouvoir de faire ni le bien ni le mal. Après avoir lu ce verset, Satan, par sa voix, prononça des paroles qu'il fit entendre dans les oreilles des polythéistes et qu'il fut passé pour la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce qu'il insuffla. Tels sont les grands Gharaniq dont l'intercession est à espérer. Ces paroles dont Satan est l'auteur furent insufflées et introduites dans la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce que les Quraysh entendaient. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas récité. Sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'entende. Et lui-même il ne l'a pas récité. Les païens l'ayant entendu, exultèrent de joie en criant qu'il avait évoqué leur divinité en bien. Et c'est bien ce que nous voulons de lui. Nous ne désirons rien d'autre de leur part, prétendèrent-ils, que leur intercession auprès d'Allah. Nous savons pertinemment qu'ils ne peuvent faire ni le bien ni le mal. Notre ambition est de gagner leur intercession. Et Mohammed nous apprend que leur intercession est à espérer. Donc eux, ils ont attribué cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'aurait récité du Coran. Arrivé au verset, alors prosternez-vous devant Allah et adorez-le, qui se trouve à la fin de la sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterna. Les musulmans l'imitèrent dans un premier temps, avant de se faire rejoindre par les païens, que fit exulter cette parole insufflée par Shaytan. Al-Walid ibn al-Mughira était trop vieux pour pouvoir se prosterner avec le groupe. Il se contenta de poser une poignée de terre sur son front. La nouvelle se répandit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit la paix avec les païens et qu'il tolérait désormais le culte qu'il rendait à Al-Lat, Al-Uzza et Al-Manat afin d'obtenir leur intercession. Les musulmans émigrés en Abyssinie entendirent la rumeur que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était réconcilié avec les païens et qu'ils avaient même embrassé la foi. C'est alors qu'ils prirent le chemin de retour vers la Mecque. Arrivés à Mecca, ils trouvèrent que la nouvelle était fausse, que les païens s'acharnaient autant contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils faisaient subir autant de pression aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit que les paroles suivantes lui furent imputées. Tels sont les grands Gharaniq dont l'intercession est à espérer. Il en fut profondément affecté. Comme il était énormément abattu, Allah révéla وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. Donc Allah Ta'ala dit dans le sens, dans sourate Al-Hajj, il n'y a pas eu de prophète avant toi, ni de messager, sans que Shaytan n'insuffle des paroles dans sa lecture. Allah abroge ensuite les paroles insufflées par Shaitan, puis il distingue parfaitement ces versets. Lui, qui est le savant et le sage, afin qu'il fasse des insufflations de Shaitan, une tentation chez ceux dont les cœurs sont affectés ou endurcis. Les injustes ont certes sombré dans une grande déviation. Et afin que ceux qui ont reçu le savoir sachent que c'est la vérité venant de son Seigneur, qu'ils y donnent foi et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Certes, Allah guide les croyants vers un chemin droit. Quant aux mécréants, ils ne cesseront de douter du Coran jusqu'au jour où leur viendra l'heure à l'improviste ou un châtiment funeste. Al-Hajj, du verset 52 au 50. Allah tabaraka wa ta'ala a donc frappé les paroles de Shaytan, du diable, de nullité. Les paroles que le diable a insérées dans la récitation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a pas inséré réellement dans sa récitation, c'est-à-dire, ils l'ont entendu, les mouchriquins, les polythéistes, comme s'il l'avait inséré dans sa récitation. Et il les a rendus caducs. Il a montré que la vérité, ces paroles n'étaient pas des versets. Puis il a établi, dans le sens où il a validé, certifié, confirmé les versets qu'il a révélés sur la condamnation des idoles et de leur adoration. En rapportant cette histoire, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a voulu mettre l'accent sur les arguments des polythéistes. Ces derniers disaient en effet qu'ils ne donnaient pas à leurs idoles le pouvoir de création, de subvenir aux besoins des hommes et de faire le bien et le mal. Ils les adoraient uniquement dans le but qu'elles intercèdent en leur faveur auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a donc frappé de nullité cet argument et il a confirmé que le Coran condamne l'idolâtrie. Il a également réduit à néant les paroles sataniques introduites dans la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce que les mouchriquins ont entendu. En outre, il a consolé son prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a soulagé de sa peine en lui faisant savoir qu'il était arrivé la même chose au messager avant lui. Il lui révéla ces versets dans sourate al-Hajj. Il n'y a pas eu de prophète avant toi, ni de messager, sans que Satan n'insuffle des paroles dans sa lecture. C'est-à-dire ici, ce qui est voulu, c'est que Shaitan vient faire entendre des paroles comme si elles faisaient partie de la lecture du prophète. Donc, tamanni ici, il a le sens de lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran. Et Shaitan, comme il l'a fait pour les autres prophètes, il venait essayer de faire entendre aux polythéistes une lecture différente en ajoutant des sens polythéistes et contraires au message du Coran dans sa lecture. Ainsi, il fut introduit dans sa lecture des paroles qui donnaient l'impression d'être celles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elles venaient de Shaytan. Cependant, Allah tabaraka wa ta'ala ne laissa pas faire. Il annula la parole de Shaytan et il distingua parfaitement ces versets. Celui qui protège sa religion et son livre. Le passage qui nous intéresse de ce récit, c'est que les polythéistes exultèrent de joie, car ils étaient convaincus que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne voyait plus en mal le recours à l'intercession des idoles. Mais Allah azza wa jal frappa de nullité ces insufflations sataniques et montra qu'il n'était permis sous aucun prétexte de vouer l'adoration à quiconque en dehors d'Allah, que ce fût dans le but d'obtenir l'intercession des idoles ou pour toute autre raison. L'adoration est un droit unique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas autorisé de la rendre à autre que lui, quelle qu'en soit la motivation. Allah ta'ala dit dans le sens de sa parole dans Surat Yunus verset 18, « Ils adorent en dehors d'Allah des idoles qui ne peuvent leur faire ni un bien ni un mal. Ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » Et il dit dans le sens de sa parole aussi, « Ceux qui prennent des maîtres en dehors d'Allah disent, nous les adorons uniquement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah davantage. » Allah tabaraka wa ta'ala condamne strictement une telle pratique, qu'il considère comme du shirk, du polythéisme. Le fait est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prononcé les paroles du diable qui lui furent imputées. Allah a voulu ainsi mettre les hommes à l'épreuve afin de distinguer parmi eux entre le bon et le mauvais. Puis, Il a mis fin à cette épreuve et a conservé la vérité. Il est arrivé la même chose aux messagers avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette histoire vient démontrer la croyance des adorateurs des tombes, ceux-là même qui reconnaissent que les tombes n'ont pas le pouvoir de créer, de pourvoir aux besoins, ni de faire le bien ou le mal. Ils désirent uniquement les adorants jouir de leur intercession. Si nous devions tolérer cet argument, il n'y aurait alors aucune différence et aucune divergence qui nous séparerait des polythéistes. Si la querelle entre eux et nous est aussi forte, c'est justement parce que nous condamnons cette pratique et que nous la considérons comme du polythéisme, du shirk, de la même façon que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de la même façon que le mentionnent plusieurs versets du Coran. Le message que veut nous faire passer l'auteur en ayant ramené cette histoire, c'est de dire que les tombolâtres seraient heureux d'entendre des paroles qui iraient dans leur sens. Ils aimeraient qu'on leur dise que ce n'est pas grave d'adorer les tombes pour gagner leur intercession tant que vous ne leur attribuez aucun pouvoir divin. Ce passage de la biographie est venu appuyer le même sens pour lesquels le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ramène ces six passages, l'importance du tawhid et la mise en garde contre le shirk, et que les polythéistes, ce qui nous sépare d'eux et ce qui est la cause de notre animosité entre eux et nous, ce n'est ni la race, ni l'origine, ni l'argent, ni les choses matérielles, ni les terres, ni la politique, ni les pouvoirs, ni rien des choses de ce bas monde. La cause de notre inimitié, c'est qu'ils donnent des associés à Allah et que nous, nous considérons cela comme le plus grand crime. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.